Oui, je le sais. La faim est une porte basse. Et par nécessité, lorsqu'il faut qu'il y passe, le plus grand est celui qui se courbe le plus. Mais le sort a toujours son flux et son reflux, espère. Le marquis de Finlas est mon maître. Je le connais. Tu vis dans ce palais, peut-être. Non. Avant ce matin et jusqu'à ce moment, je n'en avais jamais passé le seuil. Vraiment? Ton maître, cependant, pour sa charge, y demeure. Oui, car la cour le fait demander à toute heure. Mais il a quelque part un logis inconnu où jamais en plein jour peut-être il n'est venu. À 100 pas du palais, une maison discrète. Frère, j'habite là. Par la porte secrète dont il a seul la clef, quelquefois, à la nuit, le marquis vient, suivi d'hommes qu'il introduit. Ces hommes sont masqués et parlent à voix basse. Ils s'enferment et nul ne sait ce qui se passe. Là, de deux noirs muets, je suis le compagnon. Je suis pour eux le maître. Ils ignorent mon nom. Oui, c'est là qu'il reçoit comme chef des alcades ses espions. C'est là qu'il tend ses embuscades. C'est un homme profond qui tient tout dans sa main. Hier, il m'a dit, il faut être au palais demain avant l'aurore. Entrez par la grille dorée. En arrivant, il m'a fait mettre la livrée, car l'habit odieux sous lequel tu me vois, je le porte aujourd'hui pour la première fois. Espère, espérer. Mais tu ne sais rien encore. Vivre sous cet habit qui souille et déshonore, avoir perdu la joie et l'orgueil, ce n'est rien. Être esclave, être vil, qu'importe. Écoute bien, frère, je ne sens pas cette livrée infâme, car j'ai dans ma poitrine une hydre dent de flamme qui me serre le cœur dans ses replis ardents. Le dehors te fait peur, si tu voyais dedans. Que veux-tu dire? Invente, imagine, suppose, fouille dans ton esprit, cherche-y quelque chose d'étrange, d'insensé, d'horrible et d'inouï, une fatalité dont on soit ébloui. Oui, compose un poison affreux, creuse un abîme plus sourd que la folie et plus noir que les crimes. Tu n'approcheras pas encore de mon secret. Tu ne devines pas? Qui devinerait? Zafari, dans le gouffre où mon destin m'entraîne, plonge les yeux. Je suis amoureux de la reine. Ciel! Sous un dais, orné du globe impérial, il est dans un Arouès ou dans l'Escorial. Dans ce palais, parfois, mon frère, il est un homme qu'à peine on voit d'en bas, qu'avec terreur on nomme. Pour qui, comme pour Dieu, nous sommes égaux, tous, qu'on regarde en tremblant et qu'on serre à genoux. Devant qui se couvrir est un honneur insigne, qui peut faire tomber nos deux têtes d'un signe, dont chaque fantaisie est un événement, qui vit, seul et superbe, enfermé gravement dans une majesté redoutable et profonde, et dont on sent le poids dans la moitié du monde. Eh bien, moi, le laquais, tu m'entends? Eh bien, oui, cet homme-là, le roi, je suis jaloux de lui.